Présentement, on n'a jamais eu la chance, l'opportunité de débattre publiquement de l'orientation du développement minier en Abitibi. Sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, plus de 100 mines ont été exploitées. Aujourd'hui, c'est la mine à ciel ouvert qui tente de s'imposer. Extrait d'une vidéo réalisée par des opposants au projet canadien de Malartic de l'entreprise minière Osisko. La vidéo s'intitule « L'Abitibi-Témiscamingue, c'est pas un trou ». Pourquoi avoir décidé comme ça d'investir le site Internet YouTube pour véhiculer les idées de ses opposants? On pose la question ce matin au président de l'Action boréale de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Henri Jacob. M. Jacob, bonjour. Oui, bonjour. Bon, alors, pourquoi déplacer le débat sur YouTube? Ben en fait, on ne déplace pas le débat, c'est qu'on essaye de rejoindre le plus de gens possible par tous les moyens. Et là, on a eu la chance de se faire offrir par deux jeunes cinéastes. Ils nous ont demandé si ça nous intéresserait qu'eux fassent un petit document. On a dit on ne s'oppose pas, parce qu'on veut rejoindre tout le monde. Et on pense que probablement c'est une façon de rejoindre les jeunes, parce que c'est eux qui vont hériter de notre mal développement. Donc, c'est une des façons modernes de le faire. On s'est fié sur Barack Obama, puis ça a l'air que ça marche. Oui, Barack Obama, c'était pendant une campagne électorale quand même. Mais qui a proposé cette vidéo-là? Qui la signe et la propose au public? Ben présentement, les auteurs ne sont pas connus. En fait, ils sont connus, mais ils ne veulent pas qu'on dise leur nom présentement. Donc, ils veulent rester anonymes pour un bout, pour leurs raisons qui les appartiennent. Mais c'est des gens qui ont suivi les audiences publiques et qui pensent qu'eux autres, ils se sont aperçus qu'il manquait beaucoup de jeunes aux audiences publiques. Fait qu'ils se sont dit, bon, on va essayer de trouver le moyen. Puis quand ils ont parlé de ça, on a dit, ben c'est très bien. Nous autres, Et la coalition s'en sert maintenant? Ben, en fait, ça a été mis sur YouTube et eux, ça donne un coup de main à notre campagne, qui est justement la campagne de... pour que le Québec ait meilleure mine. Et nous, ce qu'on a demandé, depuis le mois de novembre, qu'on ait un vrai débat public ici en Abitibi sur la question des mines à ciel ouvert versus mines souterraines. Et comme on n'a jamais de réponse de la part de nos élus, bien, on dit bien, on va passer un autre coche pour monter la pression. Pensez pas que si on veut un vrai débat public, il faut d'abord s'identifier? Ben en fait, nous on est identifiés, on l'a fait personnellement, on s'est identifié. Nous on veut un vrai débat. Ouais. Des gens nous arrivent, nous disent on peut-tu vous donner un coup de main, mais on aimerait mieux pour toutes sortes de raisons qui sont propres les gens eux autres même savent s'ils veulent ou non un public. Et nous on a dit ben tant que vous allez pas dans du et ça vous dérange pas, c'est ça? Pardon? Et ça vous dérange pas? Ben, pas du tout. Tant qu'ils vont pas dans le libelle ou des choses qui seraient illégales, ça nous dérange pas du tout. C'est un moyen parfaitement normal aujourd'hui d'utiliser les courriels, le web et l'Internet pour passer nos messages. Et si ça fonctionne, c'est tant mieux. Nous, on veut qu'il y ait un débat public. Ouais. Quand il y aura ce débat public-là, on croit que c'est parfaitement légitime dans une démocratie d'avoir un débat public quand on nous amène un nouveau type de développement qui va marquer notre futur pour des générations et des générations. Hein. C'est ça que nos enfants vont hériter. On doit se poser les questions avant que ça nous arrive. Monsieur Jacob, ce que je retiens de ce que vous venez de dire, entre autres, c'est que vous voulez passer votre message. Alors, passer le message, évidemment, ça ne se fait pas par les médias d'information qui, eux, présentent l'information, la colligent et la présentent à leur façon et de façon indépendante. Alors, vous avez choisi volontairement de contourner les médias traditionnels. Est-ce que c'est parce que vous êtes insatisfait de la couverture médiatique de ce dossier-là actuellement? Non, c'est pas pour contourner, c'est simplement un autre moyen en plus. Je pense, prenez la campagne électorale aux États-Unis, ils n'ont pas contourné les médias, ils ont utilisé d'autres moyens pour rejoindre les jeunes qui souvent, eux, n'écoutent pas soit la télévision ou n'écoutent pas la radio, les nouvelles à la radio, ils sont sur Internet. Donc, on s'est fait offrir un moyen que des jeunes nous ont proposé, qu'eux ont dit, comme ça, on va être capable de rejoindre plus de jeunes. Et on a dit, ben allez-y, s'il y a moyen de rejoindre plus de monde, on veut que l'idée en Abitibi-Témiscamingue on veut faire comprendre à tout le monde que c'est un problème collectif qu'on a présentement et qu'on veut en discuter avant que ce soit trop tard. Monsieur Jacob, cette idée de débat public, là, vous avez interpellé à plusieurs reprises les élus de la région pour qu'il y ait un débat public. On nous disait à cette antenne que loin d'eux, l'idée d'être fermé, l'idée allait faire son petit bonhomme de chemin. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des élus? Comment vous sentez que cette idée-là fait son chemin? Ben, on a l'impression qu'on essaie d'étirer la sauce le plus longtemps possible, peut-être en espérant que ça arrive pas. On sait qu'il y a beaucoup d'élus qui se sont déjà prononcés en faveur de ce genre de développement-là, sans en connaître les aboutissants. Et je ne sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais je ne sais pas s'il y a assez de pression pour pas avoir un débat, ou c'est simplement parce que les gens ont peur que d'avoir une réponse qui serait négative envers ce genre de développement-là. Je n'ai pas la réponse. Mais on sent qu'il y a une réticence à pas nous donner un vrai débat. Et nous, quand on dit un débat, on veut que les deux côtés de la médaille soient présentés et que des gens puissent en débattre. On demande pas avoir une assemblée partisane juste envers notre point de vue. On veut qu'il y ait des gens aussi de l'industrie, des gens qui sont pro mine à ciel ouvert, viennent faire valoir sur la place publique leur point de vue, et nous, on fera valoir notre point de vue. Et à ce moment-là, les gens pourront en débattre. Et ça sera la population de prendre les décisions. D'ailleurs, M. Jacob, vous avez organisé une manifestation la semaine prochaine à l'occasion de la deuxième partie des audiences du BAP? Oui, exactement. En fait, c'est une manifestation. On veut sensibiliser les gens à ce que ça se passe présentement à l'article, que la deuxième partie de l'audience publique qui commence le 14. Ça fait que nous, à 6 heures le 14, on va avoir des personnalités qui vont venir parler pour expliquer un peu de quoi il en retourne. Ça va durer peut-être entre 30-35 minutes pour inciter les gens à venir participer, venir écouter ce que la lecture des mémoires qui va se faire à l'intérieur. Alors, c'est pas une manifestation comme un incitatif à entrer à l'intérieur et à participer au processus? Non, on n'incite pas les gens à venir faire du bruit ou à chahuter, ça c'est sûr, c'est pas ce genre-là. Ce qu'on veut, c'est simplement trouver le moyen de dire aux gens, à la place de peut-être regarder la télévision le 14 et 15, venez voir ici, il y a des choses intéressantes, ça va être votre futur qui va peut-être se décider là. Mm-hmm. Et venez voir aussi qu'est-ce que vos élus en disent et qu'est-ce que les gens qui n'ont pas la même idée en disent. Et eux se feront une idée sur le point de vue. Ce qu'on veut, c'est attirer les gens. C'est pour ça qu'il va y avoir des personnalités, des gens, je pense, qui peuvent attirer des gens qui vont être là. Plus tard, on va pouvoir vous donner quelques noms. Bien sûr. C'est juste parce que quand on voit circuler un communiqué disant manifestation, on comprend mal comment, d'un côté, vous pouvez prôner le dialogue, la participation citoyenne, le grand débat, alors qu'il y a même des audiences publiques où le public est invité à présenter des mémoires et à s'exprimer, et de l'autre, organiser une manifestation. Donc là, ce qu'on comprend bien, c'est que c'est un appel, justement, à la participation à ces forums citoyens. Ben exactement. On parle pas quand on parle d'une manifestation, c'est vrai qu'il y a des gens ont une impression des fois péjorative du mot manifestation, mais c'est pas juste négatif. On veut nous autres trouver le moyen d'attirer les gens. On pense qu'il n'y a pas assez de publicité là-dessus et que souvent juste une annonce à la télévision dire il y a des audiences publiques, ça attire pas les gens. Mais là, on pense qu'il y a moyen, puis c'est un moyen qu'on a trouvé, nous autres, de dire aux gens, venez nous voir à 6 heures, on va vous expliquer un peu notre point de vue, naturellement, et on va demander aux gens, de façon pacifique, de venir écouter ce qui se passe, parce que c'est... Et après ça, nous pourrons se faire une idée beaucoup plus éclairée que simplement avoir soit notre côté de la médaille ou simplement le côté du promoteur. Il y aura les deux côtés. Et quelques personnalités qui seront là, M. Jacob, puisque les gens vous écoutent en ce moment? Ben disons qu'on a quelqu'un de connu en Abitibi habituellement qui passe pas inaperçu, qui est presque convaincu qu'il va venir. Ah bon? Je pourrais vous dire peut-être... Il est pas entièrement convaincu, donc on n'en parlera plus. Donc, pour vous dire en d'autres mots, je suis en train de tourner le bras. Il tourne le bras assez fort pour qu'il va probablement accepter. Bon, alors, une personnalité qui doit se faire tordre le bras. Merci beaucoup, Monsieur Jacob. Bien sûr. Henri Jacob, président de l'Action boréale de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. Bon, on se fait tordre le bras pour participer à des manifestations.